Lévitique chapitre 14. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, c'est ici la loi du lépreux pour le jour de la purification, il sera amené au sacrificateur. Et le sacrificateur sortira hors du camp, et le regardera, et s'il aperçoit que la plaie de la lèpre soit guérie au lépreux, le sacrificateur commandera, qu'on prenne pour celui qui doit être nettoyé, deux passereaux vivants et nets, avec du bois de cèdre, et du cramoisi, et de l'hysope, et le sacrificateur commandera, qu'on coupe la gorge à l'un des passereaux sur un vaisseau de terre, sur de l'eau vive. Puis il prendra le passereau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi, et l'hysope, et il trempera toutes ces choses avec le passereau vivant, dans le sang de l'autre passereau, qui aura été égorgé sur de l'eau vive. Et il en fera aspersion par cette fois sur celui qui doit être nettoyé de la lèpre, et le nettoiera, et il laissera aller par les champs, le passereau vivant. Et celui qui doit être nettoyé lavera ses vêtements, et rasera tout son poil, et se lavera dans l'eau, et il sera net, et ensuite il entrera au camp, mais il demeurera 7 jours hors de sa tente. Et au 7e jour il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, les sourcils de ses yeux, tout son poil, il rasera, dis-je, tout son poil, puis il lavera ses vêtements et sa chair, et il sera net. Et au 8e jour il prendra 2 agneaux centaures, et une brebis d'un an centaure, et 3 dixièmes de fine farine à faire le gâteau, pétri à l'huile, et un log d'huile. Et le sacrificateur qui fait la purification, présentera celui qui doit être nettoyé, et ces choses-là, devant l'Éternel à l'entrée du tabernacle d'assignation. Puis le sacrificateur prendra l'un des agneaux, et l'offrira en offrande pour le délit avec un log d'huile, et tournoiera ces choses devant l'Éternel, en oblation tournoyée. Et il égorgera l'agneau au lieu où l'on égorge l'offrande pour le péché, et l'holocauste, dans le lieu saint, car l'offrande pour le délit, appartient au sacrificateur, comme l'offrande pour le péché, c'est une chose très sainte. Et le sacrificateur prendra du sang de l'offrande pour le délit, et le mettra sur le meule de l'oreille droite de celui qui doit être nettoyé, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Puis le sacrificateur prendra de l'huile du log, et en versera dans la paume de sa main gauche. Et le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite en l'huile qui est dans sa paume gauche, et fera aspersion de l'huile avec son doigt cette fois devant l'Éternel. Et du reste de l'huile qui sera dans sa paume, le sacrificateur en mettra sur le meule de l'oreille droite de celui qui doit être nettoyé, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit, sur le sang-prix de l'offrande pour le délit. Mais ce qui restera de l'huile sur la paume du sacrificateur, il le mettra sur la tête de celui qui doit être nettoyé, et ainsi le sacrificateur fera propitiation pour lui devant l'Éternel. Ensuite le sacrificateur offrira l'offrande pour le péché, et fera propitiation pour celui qui doit être nettoyé de sa souillure, puis il égorgera l'holocauste. Et le sacrificateur offrira l'holocauste et le gâteau sur l'autel, et fera propitiation pour celui qui doit être nettoyé, et il sera net. Mais s'il est pauvre, et s'il n'a pas le moyen de fournir ces choses, il prendra un agneau en offrande tournoyée pour le délit, afin de faire propitiation pour soi, et 1/10 de fine farine pétrie à l'huile, pour le gâteau, avec un log d'huile, et 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux, selon qu'il pourra fournir, dont l'un sera pour le péché, et l'autre pour l'holocauste. Et le 8e jour de sa purification, il les apportera au sacrificateur à l'entrée du tabernacle d'assignation, devant l'Éternel. Et le sacrificateur recevra l'agneau de l'offrande pour le délit, et le log d'huile, et les tournoiera devant l'Éternel en offrande tournoyée. Et il égorgera l'agneau de l'offrande pour le délit, puis le sacrificateur prendra du sang de l'offrande pour le délit, et le mettra sur le meule de l'oreille droite de celui qui doit être nettoyé, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Puis le sacrificateur versera de l'huile dans la paume de sa main gauche. Et avec le doigt de sa main droite, il fera aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche, cette fois devant l'Éternel. Et il mettra de cette huile qui est dans sa paume, sur le meule de l'oreille droite de celui qui doit être nettoyé, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit, sur le lieu du sang-prix de l'offrande pour le délit. Après il mettra le reste de l'huile qui est dans sa paume sur la tête de celui qui doit être nettoyé, afin de faire propitiation pour lui devant l'Éternel. Puis il sacrifiera l'une des tourterelles, ou l'un des pigeonneaux, selon ce qu'il aura pu fournir. De ce don qu'il aura pu fournir, l'un sera pour le péché, et l'autre pour l'holocauste, avec le gâteau, ainsi le sacrificateur fera propitiation devant l'Éternel pour celui qui doit être nettoyé. Telle est la loi de celui auquel il y a une plaie de lèpre, et qui n'a pas le moyen de fournir à sa purification. Puis l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, en disant, « Quand vous serez entrés au pays de Canaan, que je vous donne en possession, si j'envoie une plaie de lèpre en quelque maison du pays que vous posséderez, celui à qui la maison appartiendra viendra, et le fera savoir au sacrificateur, en disant, « Il me semble que j'aperçois comme une plaie en ma maison. » Alors le sacrificateur commandera, qu'on vide la maison avant qu'il y entre pour regarder la plaie, afin que rien de ce qui est dans la maison ne soit souillé, puis le sacrificateur entrera pour voir la maison. Et il regardera la plaie, et s'il aperçoit que la plaie qui est aux parois de la maison, et quelques fossettes tirant sur le verre, ou roussâtre, qui soit, allez voir, plus enfoncé que la paroi, le sacrificateur sortira de la maison, à l'entrée, et fera fermer la maison pendant 7 jours. Et au 7e jour le sacrificateur retournera, et la regardera, et s'il aperçoit que la plaie, se soit étendue sur les parois de la maison, alors il commandera d'arracher les pierres, auxquelles est la plaie, et de les jeter hors de la ville dans un lieu souillé. Il fera aussi racler l'enduit de la maison par-dedans tout alentour, et l'enduit qu'on aura raclé, on le jettera hors de la ville en un lieu souillé. Puis on prendra d'autres pierres, et on les apportera au lieu des premières pierres, et on prendra d'autres mortiers pour enduire la maison. Mais si la plaie retournait boutonnant la maison, après qu'on aura arraché les pierres, et après qu'on l'aura raclée, et renduite, le sacrificateur y entrera, et la regardera, et s'il aperçoit que la plaie soit accrue en la maison, c'est une lèpre rongeante en la maison, elle est souillée. On démolira donc la maison, ses pierres, et son bois, avec tout son mortier, et on les transportera hors de la ville en un lieu souillé. Et si quelqu'un est entré dans la maison, pendant tout le temps que le sacrificateur l'avait fait fermer, il sera souillé jusqu'au soir. Et celui qui dormira dans cette maison lavera ses vêtements, celui aussi qui mangera dans cette maison lavera ses vêtements. Mais quand le sacrificateur y sera entré, et qu'il aura aperçu que la plaie n'a point cru en cette maison, après l'avoir fait enduire, il jugera la maison nette, car sa plaie est guérie. Alors il prendra pour purifier la maison, 2 passereaux, du bois de cèdre, du cramoisi, et de l'hysope. Et il coupera la gorge à l'un des passereaux sur un vaisseau de terre, sur de l'eau vive. Et il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi, et le passereau vivant, et trempera le tout dans le sang du passereau qu'on aura égorgé, et dans l'eau vive, puis il fera aspersion dans la maison par 7 fois. Il purifiera donc la maison avec le sang du passereau, et avec l'eau vive, et avec le passereau vivant, le bois de cèdre, l'hysope, et le cramoisi. Puis il laissera aller hors de la ville par les champs le passereau vivant, et il fera propitiation pour la maison, et elle sera nette. Telle est la loi de toute plaie de lèpre, et de teigne, de lèpre de vêtements, et de maison, de tumeurs, de galles, et de boutons, pour enseigner en quel temps une chose est souillée, et en quel temps elle est nette, telle est la loi de la lèpre.